À Madame la comtesse de Najac. Ce petit livre est éclos sous votre aile. Oh, le bon temps et la bonne amitié! Jour bien rempli et trop court de moitié. Décidément, votre Bretagne est belle. Je l'ai revue en imprimant fougasse. Les souvenirs s'envolaient de mon page, comme pinsons échappés de leur cage. Je repensais, je ne relisais pas. Que l'océan avait grande tournure, que le soleil faisait bonne figure. En blanc bonnet, pleurnichant et moqueur. Qui me rendra ces heures envolées, ces gais propos, ces crêpes rissolées, ces tours de valse et cette paix du cœur? Edmond About, Paris, 3 novembre 1861.